Il les posta, ainsi que la comtesse, sur le perron qui descendait à l'étang. Il monta dans sa barque, avec un valet, portant un épervier et une torche allumée. La nuit était claire et piquante sous un ciel semé d'or. La torche faisait ramper sur l'eau des traînées de feu étranges et mouvantes, jetait des lueurs d'encens sur les roseaux, illuminait le grand rideau de sapin. Et soudain, la barque ayant tourné, une ombre colossale, fantastique, une ombre d'homme, se dressa sur cette lisière éclairée du bois. La tête dépassait les arbres, se perdait dans le ciel, et les pieds plongeaient dans l'étang. Puis l'être démesuré éleva les bras comme pour prendre les étoiles. Ils se dressèrent brusquement, ses bras immenses, puis retombèrent, et on entendit aussitôt un petit bruit d'eau fouettée. La barque alors, ayant encore viré doucement, le prodigieux fantôme sembla courir le long du bois, qu'éclairait en tournant la lumière. Puis il s'enfonça dans l'invisible horizon, puis soudain il reparut, moins grand, mais plus net, avec ses mouvements singuliers, sur la façade du château. Et la grosse voix du comte cria « Gilberte, j'en ai 8 !» Les avirons bâtirent l'onde. L'ombre énorme restait maintenant debout, immobile sur la muraille, mais diminuant peu à peu de taille et d'ampleur. Sa tête paraissait descendre, son corps maigrir. Et quand M. de Fourville remonta les marches du perron, toujours suivi de son valet portant le feu, elle était réduite aux proportions de sa personne et répétait tous ses gestes. Il avait, dans un filet, 8 gros poissons qui frétillaient. Lorsque Jeanne et Julien furent en route, tout enveloppés en des manteaux et des couvertures qu'on leur avait prêtées, Jeanne dit, presque involontairement, « Quel brave homme que ce géant !» Et Julien, qui conduisait, répliqua, « Oui, mais il ne se tient pas toujours assez devant le monde. »